Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le terrible destin de soldats français enrôlés de force par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et malgré nous d'Alsace et de Moselle. 39-45, 6 ans d'un conflit que vos parents, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents peut-être vécu chacun à leur manière, car la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu le même visage selon que l'on était enfant, femme, homme, soldat, civil, juif, homosexuel, résistant, collabo, en zone libre ou zone occupée. Enfin, autant de situations souvent déchirantes, toujours violentes, auxquelles s'ajoutent celles méconnues des malgré nous. Incorporé de force dans la Wehrmacht, ou pire encore, dans la SS, dès 1942, après l'annexion de l'Alsace-Moselle, ce sont près de 130 000 hommes, 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans qui vont enfiler l'uniforme vert de gris. Souvent maltraités par les Allemands qui les suspectent d'être des traîtres, ils vont pourtant combattre leur propre camp, la France, jusqu'à la mort pour 35 000 d'entre eux. Épouvantable déchirement, prise d'otages dramatique. Parmi ces malgré nous, Marcel Grob, le grand-oncle de notre invité, Philippe Collin, qui lui a consacré une bande dessinée en 2018, Le voyage de Marcel Grob, avec des dessins de Sébastien Goethals, publié chez Futuropolis. Philippe Collin de France Inter, producteur de l'émission du dimanche soir à 18h sur notre antenne, L'œil du tigre. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En 1939, l'Alsace-Moselle, qui regroupe les départements actuels du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est un cas unique en France. Les Alsaciens et les Mosellans, de 21 à 68 ans, nés entre 1871 et 1918, ne sont pas nés français, mais allemands. Car après la défaite de Sedan, la France cède à l'Empire allemand les territoires qu'il réclame. L'Alsace, la Moselle donc, et quelques villages des Vosges. Les populations concernées deviennent alors des sujets de l'empereur Guillaume II, et c'est comme tel, des Allemands donc, que 380 000 conscrits alsaciens et mosellans vont servir le Kaiser pendant la Première Guerre. Et une mobilisation globalement sans accroc, puisque les jeunes gens concernés n'ont pas connu la France. Mais en 1918, après 4 ans d'un conflit épouvantable, matrice de la violence du XXe siècle, l'Allemagne ne suscite plus aucune sympathie ni aucune ferveur. Et c'est avec bonheur que l'Alsace-Moselle redevient française en 1919, après 48 ans passés sous bannière allemande. En 2 décennies, malgré une francisation forcée, parfois soudaine, le processus fait son chemin dans le cœur des Alsaciens et des Mosellans. Et quand la Seconde Guerre mondiale éclate, c'est tout naturellement qu'ils soutiennent leur camp, celui de la France. Les moins de 21 ans sont d'ailleurs nés français, et les autres le sont profondément redevenus. Alors, quand l'Allemagne nazie procède à l'annexion de l'Alsace-Moselle après l'amnistie du 22 juin 1940, c'est un choc pour les habitants de cette région. Comme l'explique l'Alsacien Georges Hubert Nonnenmacher, 15 ans en 1940, aucun traité international ne ratifie officiellement l'annexion qui, au regard du droit international, est totalement illégale, première d'une longue série. L'Alsace-Lorraine commence à perdre son administration française, qui s'était repliée pour la plus grande partie. Et au mois d'août, le commandement militaire est relevé par une administration civile. L'administration civile qui est confiée à un homme qui est à la fois gouverneur et chef de parti, le Gauleiter Wagner, auquel Hitler donnera comme mission de germaniser dans les 10 ans l'Alsace. Ainsi, le français puis l'alsacien sont interdits. Les noms propres, villes, rues, prénoms, noms de famille sont germanisés. Les livres français détruits. Les fonctionnaires soumis à une rééducation politique et idéologique. Le droit allemand est appliqué. L'ensemble de la population est embrigadée dans différentes organisations nazies à tous les niveaux de la société. Les jeunes, en particulier, font l'objet d'une attention. Dès le 8 septembre 1940, l'adhésion aux jeunesses hitlériennes devient obligatoire pour tous les Alsaciens et Mosellans en âge d'être incorporés et reçoivent dès l'enfance une éducation dictée par la doctrine nationale-socialiste. Le salut hitlérien est de mise au début et à la fin de chaque cours et la science des races au programme en biologie. enfin pour les Alsaciens qui n'obéiraient pas aux préceptes imposés par le parti nazi, un camp de rééducation est installé à Schirmeck. 15 000 personnes jugées hostiles à la germanisation y travailleront quelques jours ou plusieurs mois parce qu'ils ont célébré publiquement le 14 juillet ou tout simplement parce qu'ils continuent à parler français à la maison. Parmi ces Alsaciens annexés de fait par l'Allemagne, à qui l'on interdit de parler français, il y a Fred et Thérèse, les grands-parents de la documentariste Gabrielle Schaff. Elle les questionne en 2014 pour un documentaire diffusé sur France 3 intitulé « On remuait les lèvres et on ne disait rien ». Et quand l'Alsace-Moselle a de nouveau été annexée par l'Allemagne en 1940, là, vous pouviez plus du tout parler français ? Oh, interdit. Interdit. Mais vous avez cru que vous alliez rester allemand toute votre vie, à partir de là, à un moment ? Non. Vous pensez toujours que la France allait libérer... Nous n'avons pas vécu. Nous étions français dans l'âme, et puis... Mais nous n'avons pas oublié... d'avoir été abandonné par la France dans des conditions extrêmement difficiles. La corporation de force dans l'armée allemande. Ceux qui sont revenus n'en parlaient plus. Ils ne voulaient plus en entendre parler. Parce que par les... beaucoup de gens, ils étaient regardés comme des germanophiles. Je crois qu'on vous aurait considéré comme des collabos, par exemple, ah comme oui, des. Bah oui, oui. C'était la peur qu'on avait. Si l'Allemagne nazie entend germaniser l'Alsace-Moselle, elle ne souhaite pas pour autant intégrer ses nouveaux citoyens à son armée, la Wehrmacht. Du moins pas immédiatement, car les Alsaciens et les Mosellans ont la réputation d'être potentiellement déloyaux, et ce depuis la Première Guerre. Dans leur rang, les désertions auraient été 80 fois supérieures à la moyenne. Mais tandis que la Wehrmacht assure pouvoir gagner cette guerre-là sans nouvelles recrues des régions annexées, la Waffen-SS, elle, indépendante de l'armée allemande, s'y intéresse de près. Émanation militaire de la Schutzstaffel, la SS, l'organisation d'Heinrich Himmler, connue pour son rôle déterminant dans le génocide des Juifs, la Waffen-SS donc, recrute sur critères raciaux. La règle, être volontaire et en bonne santé, avoir au moins 17 ans, partager les idées du national-socialisme et fournir un arbre généalogique qui prouve la réalité du candidat. La Waffen-SS se montre donc tout à fait ouverte au recrutement de jeunes volontaires alsaciens et mosellans, peuple germanique, d'autant que la politique expansionniste d'Himmler l'oblige à intensifier et à diversifier son recrutement. De 14 000 en 1938, les soldats de la Waffen-SS passeront à 60 000 en 1940. Mais ce ne sont ni les Alsaciens ni les Mosellans qui viennent grossir ces rangs. 32 recrutements volontaires chez les SS en Alsace en 40, 329 en 41. En tout, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont 2 milliers d'hommes qui intégreront l'armée allemande volontairement. Un chiffre d'ailleurs faussé puisqu'il intègre les fils de fonctionnaires allemands installés en Alsace. Mais alors que la guerre s'étend en Union soviétique et que les États-Unis entrent dans le conflit au cours de l'année 1941, l'Allemagne nazie doit convaincre ses soldats qu'ils ne veulent pas se battre pour elle. Elle va alors intensifier sa propagande et poser la première pierre d'un éventuel recrutement militaire obligatoire, le service du travail du Reich, le RAD. René Baumgartner, affecté à la réfection d'un aérodrome, se souvient en alsacien d'un dur labeur à la pioche, à la pelle. Stich, piqué, levé, Wurf, jeté. Und das Mittags haben wir denkt, exerciere Übungen. Puis l'après-midi, on faisait des exercices. C'était très militaire. Plus tard, lorsqu'on est arrivé à la Wehrmacht, on n'a pas noté de différence entre le RAD et la Wehrmacht. C'était pareil. Couché, levé. On y était même souvent plus harcelé qu'à la Wehrmacht. Comme plus de 70 000 Alsaciens mosellans, le jeune René Baumgartner se voit contraint de travailler pour l'Allemagne nazie avant de devoir, plus tard, intégrer l'armée allemande, la Wehrmacht. Le RAD, le service de travail du Reich, est une étape obligatoire en Alsace-Moselle, dès le 8 mai 41, pour tous les jeunes filles et garçons de 18 à 25 ans. 6 mois de travaux au champ ou à l'usine, mais aussi au service auxiliaire de guerre, administration, service de santé, ou encore à la construction d'installations militaires telles que des routes ou des ponts. Le RAD et sa discipline inflexible ne sont qu'une première étape avant la mise en place d'un service militaire obligatoire. Car ni les organisations de jeunesse, ni le RAD, ni aucune propagande ne va suffire à convaincre les Alsaciens et les Mosellans de s'engager en masse dans la Wehrmacht ou dans la Waffen-SS. Alors, le 25 août 42 en Alsace et le 29 en Moselle, l'Allemagne impose le service obligatoire et par ce biais l'incorporation de forces dans l'armée allemande. 21 classes d'âge sont concernées de 1908 à 1928, soit environ 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans. Parmi eux, quelques-uns biberonnés au nazisme et effrayés par le communisme en URSS, ils s'en accommodent. Beaucoup ne connaissent rien de la politique et subissent l'histoire, tandis que d'autres soutiennent avec patriotisme la France. C'est le cas d'Edgar Weissenbach, qui raconte ainsi son arrivée en gare de Sarreguemines, à la frontière, après son incorporation de force. Il se souvient d'une ambiance d'émeute, vite réprimée. Moi, j'avais sur ma valise, par exemple, d'un côté, levé de la victoire avec la croix de Lorraine, de l'autre côté, vive la France, mère de la Prusse, vous savez, c'était comme ça. Un véritable défi. Moi, je voyais qu'on était encerclés par des policiers allemands, tout genre, parce qu'ils avaient réuni aussi bien les Gestapo que la Staatspolizei, etc. Et alors, il y a un SS qui a crié, là, « Nie de men, seulement divide Hunde. Il faudrait les faucher comme des chiens, ces jeunes. » Et c'est là que j'ai levé ma valise de la main gauche et j'ai crié « Rainer müssen rollen für den Sieg und Köpfe werden rollen nach dem Krieg. » Les roues ne doivent rouler que pour la victoire, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas se déplacer pour autre chose que pour la victoire. Ce qui était un peu les ridiculiser, puisque nous étions incorporés de force. Et c'est là que j'ai eu un coup de matraque dans la nuque et un coup de pied dans le dos. L'émeute de Sarreguemines, à laquelle le jeune Edgar participe, finira avec l'incorporation de force de tous les jeunes hommes présents et à la condamnation de 5 présumés meneurs. L'armée allemande le signale immédiatement et brutalement à sa nouvelle recrue. Désobéir n'est pas une option, que ce soit clair. En novembre 1942, 3 mois à peine après les premières conscriptions, Alsaciens et Mosellans sont envoyés au front. Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas de marmots, si qu'elle faisait tout le boulot. C'est pas facile d'être de nulle part, d'être le bébé fan de Maza. Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi. Le blues, il sent bon dans ta voix. Alsace blues. Alsace blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. Elsa encore un verre de Sylvaner pour graisser le rocking chair de grand-mère. Mets ton papillon noir sur la tête, je te ferai un câlin ce soir après la fête. Faut pas que je parle aux livides d'en face, mais mes mains d'y reste à ta place. J'aurais pas mon bac, j'ferais jamais la carrière de Bismarck. Alsace blues, Alsace blues, ça m'amuse. Va falloir que je recousse. Que je recouse. J'habite un bloc sous la mer. Elles Kraftwerk Elsass Blues. Elsass Blues, Summer Blues. Va falloir que je recours. La Wehrmacht, qui se méfie des Alsaciens et des Mosellans, les répartit au début de façon à limiter leur présence à 5% des effectifs d'une même unité. Mais rapidement, face aux échecs de l'hiver 42-43 en URSS, l'Allemagne, affaiblie, se voit contrainte de recourir à toutes ses recrues. 80% de ceux qu'on appellera alors les malgré nous, incorporés de force dans l'armée allemande, sont envoyés sur le front de l'Est pour combattre l'armée rouge, de la Finlande au nord jusqu'à la Roumanie au sud. Beaucoup parmi eux n'ont que 17 ou 18 ans, comme cet homme ancien malgré nous. À 17 ans, ça allait très vite, on était incorporé dans le Reichsarbeitsdienst. Et après un stage de 3 mois, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, on croyait que ça se terminait là, au bout de 15 jours, on était incorporé dans la Wehrmacht. Et de là, bien sûr, on vous a envoyé sur le front russe. Oui, d'abord dans la lutte contre les partisans. Et c'est le jour de mon 18e anniversaire que j'ai eu le premier engagement avec les partisans russes que je considérais comme mes alliés. J'étais engagé dans le faux camp, si vous voulez, malgré moi. Sur le front de Leningrad, assiégé par la Wehrmacht depuis septembre 1941, les malgré nous connaissent l'horreur. Tandis qu'ils s'attellent à couper les voies de ravitaillement de la ville, laissant près de 3 millions de soviétiques mourir de faim et de froid dans Leningrad, eux-mêmes subissent les assauts d'un hiver rigoureux. Dans un no man's land gelé, où la forêt a été rasée, les soldats dorment dans des trous à même le sol, reliés par des tranchées et protégés par des abris de bois, qui ne peuvent rien face aux obus. Des conditions d'autant plus dures à accepter pour ces Français de cœur, contraints d'être allemands, que l'armée rouge et les partisans qu'ils combattent sur le front et dans les villages ne sont pas leurs ennemis. Non, l'ennemi est là, parmi eux, et il faut le côtoyer au quotidien. Cet ennemi parle allemand, et il prend bien souvent le visage d'un supérieur hostile qui mène la vie dure à ses recrues alsaciennes et mosellanes, suspectées de traîtrise, comme l'explique le malgré nous, Tavi Klaus. Dites-moi, pendant toute cette période, pendant toutes ces années, il y a eu des moments sûrement très durs pour vous psychologiquement. Il y a eu des moments où vous ne deviez pas voir la fin de cette espèce d'exode. Oui, parce que j'étais quand même le seul Alsacien. Et j'avais un supérieur qui était un Allemand des Sudètes. Et il était nazi. Et aussi, je lui avais dit aussi un jour que, mon Dieu, ça ne m'intéressait pas, leur guerre, que j'étais venu là de force. Et il m'en voulait. Il m'en voulait parce que lui, il y croyait, n'est-ce pas? Il croyait à la grande Allemagne, etc. Bon. Mais il m'a rendu la vie difficile, vraiment très dure. Et un jour, j'en avais assez. J'avais effectivement envie de me suicider. La plupart des malgré nous sont incorporés de force dans l'armée de terre, sur le front de l'Est, mais certains le sont aussi en France, notamment en Normandie. D'autres, à partir de 1943, intègrent la Waffen-SS, cette armée indépendante de la Wehrmacht, dont le recrutement est pourtant fondé sur le volontariat. Car les armées allemandes manquent de forces vives après leur défaite de l'hiver 42. Près de 300 000 soldats sont morts lors de la bataille de Moscou en janvier, et les volontaires ne suffisent pas à compenser les pertes. La Waffen-SS va donc enrôler de force des Alsaciens, des Mosellans, des Luxembourgeois, des Belges et même des Croates, trahissant ainsi ses propres critères de recrutement raciaux et idéologiques. Responsable de centaines de massacres de civils à l'Est, notamment en Biélorussie, mais aussi à Oradour-sur-Glane en France et à Marzabotto en Italie, les soldats de la Waffen-SS ont la réputation mille fois avérée d'être des soldats fanatiques, portés par leur foi en la doctrine nazie. Pourtant, parmi eux, certains sont des malgré nous, mais avec un signe distinctif qui pourrait sauver l'honneur. L'absence, sur le carnet militaire, des lettres FRW, l'abréviation de Freiwilligen, c'est-à-dire engagé volontaire. Trois lettres, d'autant plus importantes, qu'elles permettront de prouver à la libération que les malgré nous étaient bien là, malgré eux. C'est en Italie que Marcel Grob, originaire de Kirchberg, dans le Haut-Rhin, est envoyé en février 1944 avec 2000 autres jeunes Alsaciens. À la suite d'un accord entre le Gauleiter d'Alsace, Josef Wagner et Heinrich Himmler, la moitié de la classe 1926 est incorporée dans la Waffen-SS et envoyée en Italie combattre les Partigiani, des mini-Romagne, autrement dit les résistants. La 16e division blindée des grenadiers SS, à laquelle appartient Marcel Grob, va y mener une opération autour du Monte Sole et de la commune de Marzabotto. Des combats contre les partisans italiens de la brigade Stella Rossa, mais aussi des massacres civils. Entre le 29 septembre et le 5 octobre 1944, des centaines d'innocents sont assassinés. Jusqu'à 1839 personnes, selon les estimations. Une semaine sanglante qui commence à l'église du village de Casalia. Cette survivante se souvient. Quand nous sommes arrivés à l'église avec ma mère, il y avait une centaine de personnes déjà présentes. Tout le monde pensait qu'ils n'auraient jamais attaqué une église. Mais personne n'arrivait à prier. Nous étions très angoissés. Nous avons attendu, effrayés. Et au bout d'une demi-heure, on a entendu frapper à la porte. C'étaient les Allemands, des SS, qui nous hurlaient de sortir. Un officier a donné l'ordre d'abattre les grilles du cimetière. Et là, j'ai dit à ma mère, pour nous, c'est la fin. Plus de 100 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, sont fusillées au cimetière par la division de Marcel Grob, ce jeune Alsacien de 18 ans incorporé de force en 1944. Une attaque d'une telle violence que certains se questionneront sans doute. Mais enfin, comment peut-on participer à un tel massacre? Pourquoi ne pas s'évader et même pourquoi ne pas choisir de mourir, soi-même de se suicider? Ah, les suicides. Une échappatoire auquel de nombreux malgré tout ont pensé, bien sûr. Mais dans l'armée allemande, se suicider, c'est déserter. Et la désertion signifie, en représailles, la déportation immédiate des familles de déserteurs. Car les nazis appliquent le principe de la Sippenhaft, c'est-à-dire la responsabilité collective du clan. Pour échapper à l'enrôlement, le malgré nous René Rinnenberger prend le risque de s'évader avec ses camarades en 1943. Lorsque nous sommes arrivés sur le pont de Sepois, il semble que ce pont était gardé et les Allemands se trouvaient sur ce pont. Nous ne pouvions pas les voir, mais eux, ils nous ont entendus ou vus arriver et aussitôt les coups de feu ont crépité. Il y a eu 3 morts de notre côté. La plupart de mes camarades sont revenus dans la nuit. Ils ont rejoint de nouveau le village, ils sont rentrés chez eux. Il y en a qui se sont fait prendre sur la route, d'autres qui ont été pris dans les bois. Ils ont été condamnés à mort et exécutés 3 jours après. René Grillenberger parvient donc miraculeusement à échapper aux Allemands et à rejoindre la résistance en France, mais ses parents, eux, sont envoyés au camp de Schirmeck, celui-là même où ses camarades qui ont tenté de s'évader avec lui seront fusillés le 17 février 1943. Malgré les conséquences d'une désertion ratée pour eux-mêmes ou pour leur famille, près d'un quart des malgré nous s'évadent ou tentent de s'évader, notamment sur le front Est, en espérant être recueillis par l'armée rouge alliée puis renvoyés à France. Mais tous les soviétiques ne connaissent pas la situation de l'Alsace-Moselle. Pour la majorité d'entre eux, les soldats qui se rendent ou qu'ils interceptent alors qu'ils désertent ne sont rien d'autre que des SS. En témoigne le tatouage qu'ils portent sur le bras droit, leur groupe sanguin, signe d'appartenance à la Waffen-SS. Jules Bühler, malgré nous, sur le front russe, en a fait les frais. Je me souviens, j'étais dans un champ de seigle. Le seigle était aussi haut que moi. Je m'avance, toujours dans la direction de la ligne russe. Et à un moment donné, j'entends parler en russe. Et je me lève. Et je vois 3 jeunes Russes qui s'avancent vers moi. Et puis je dis cette fameuse phrase, «Я иду французский, можно войне на русский линия». Les jeunes Russes se regardaient, ils étaient surpris aussi, bien sûr. Et à un moment donné, il y en a un qui me dit «Назад». «Назад», ça veut dire «en arrière». Alors je me suis dit, c'est foutu. Je me retourne, il va tirer. Il a tiré des coups de fusil, enfin non, de sa mitraillette. Et puis, ma foi, je me retourne et je cours. Jules Buller restera caché 3 jours dans les marécages avant d'être retrouvé et envoyé au camp russe de Tambov. Car lorsqu'ils sont considérés comme des SS comme les autres et exécutés sur le champ, les malgré tout se retrouvent incarcérés dans les camps de détention soviétiques, dont Tambov, qui accueillera plus de 18 000 Alsaciens et Mosellans. Des milliers d'entre eux, peut-être 4 000, y perdront la vie. Les conditions à Tambov, à 350 km au sud-est de Moscou, étant effroyables, les hivers russes interminables. Il fait froid, très froid dans cette région vantée et insalubre où la malaria et les puces font des ravages. Les prisonniers n'ont qu'un repas par jour, une soupe claire et du pain rassis. Ils dorment dans des baraques surpeuplées où le seul horizon semble être la faim et la maladie. Jules Buller y a perdu son beau-frère. Il y avait des bunkers, on appelait ça des bunkers, c'était des baraques à moitié enterrées, construites en bois et couvertes de terre également. Et là-dedans étaient aménagées 2 rangées de bas-flancs sur lesquels nous couchions, sans matelas, sans couverture. Nous devions subir également l'assaut des milliards et des milliards de puces. Il y avait des puces à tel point que lors du comptage de la provierka, on appelle ça, tous les matins il y avait la provierka et tous les soirs, si vous souleviez le col du camarade qui était devant vous, tout était rouge de puces. Bien sûr, nous n'avions pas de poux, parce que le poux, dans un camp de prisonniers, ça c'est très dangereux. C'est dramatique, puisque les poux amènent le typhus. Et si le typhus s'installe dans un camp, c'est la mort par milliers, par milliers. Après le débarquement américain de juin 1944, la France va obtenir de l'Union soviétique la libération de 1500 malgré nous. Le 7 juillet, en grande pompe, revêtu d'uniforme russe tout neuf, il quitte le camp de Tambov pour Téhéran, où des officiers alliés organisent leur rapatriement vers la France. Les soviétiques ont pris soin de sélectionner les prisonniers les moins mal en point, mais leur état de santé très précaire choque malgré tous les Français et les Anglais qu'ils accueillent en Iran. Mais malgré nous, vêtus désormais d'uniformes aux couleurs de l'Union Jack, sont ensuite dirigés vers Bagdad, puis Haïfa, Alexandrie et Alger, où ils attendent leur retour en Alsace-Moselle. Les prisonniers qui reviennent de loin, ce sont ces Français, Alsaciens pour la plupart. Enrôlés de force dans l'armée allemande, puis capturés par les Russes sur le front de l'Est et libérés par eux, ils vont enfin rentrer chez nous. Le général Petrov et le général Petit préparent leur retour dans le camp de Russie où ils ont été rassemblés. La France et l'Union soviétique viennent de signer un pacte d'alliance qui marque une date capitale dans l'histoire de la guerre et de ses lendemains. Deux grands peuples s'unissent à nouveau. Par-dessus les frontières, par-dessus le Reich hitlérien, les Russes nous rendent les Français qu'ils ont arrachés aux Allemands. Le voyage se rallonge jusqu'au rivage de France, mais le chemin de la liberté n'est jamais long. Les milliers de malgré tout détenus au camp soviétique de Tambov s'accrochent désormais à cette idée, ils vont bientôt rentrer chez eux. Oui, mais derrière ce premier convoi de 1500 prisonniers, les grilles se referment. Les malgré nous et autres prisonniers français en URSS deviennent des pions diplomatiques dont Staline se sert pour faire pression sur la France. Le problème, c'est que le sort des malgré nous n'intéresse pas les autorités françaises. Et même après la fin de la guerre, le rapatriement au compte-gouttes sera très lent. Accusé d'espionnage et condamné aux travaux forcés, Jean-Jacques Remeter, le dernier des malgré nous incarcérés en Union soviétique, ne rentrera chez lui qu'en 1955. En France, la libération apporte son lot de confusion et d'injustice. L'euphorie n'a d'égal que le désir de vengeance, nourri par 6 ans de guerre. Et rapidement, les foules vont régler leur compte à tous ceux qu'elles considèrent comme des collaborateurs. Parce qu'ils ont combattu pour l'Allemagne, les malgré nous d'Alsace-Moselle sont des cibles de choix pour la vindicte populaire, mais aussi pour les comités d'épuration mis en place par les autorités, comme l'explique l'historien Jean-Laurent Vaudot. On a raflé massivement. Il faut savoir que les statistiques, même officielles, du ministère de l'Intérieur constatent qu'en janvier 1945, il y a 20 000 personnes en France qui ont été arrêtés, qui sont suspectés, entre guillemets, de collaboration. Et sur ces 20 000, il y en a 11 000 pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'épuration à l'intérieur de la France, dans les autres départements, a duré 2 mois, 3 mois. y compris l'épuration judiciaire. En Alsace, cette situation va se prolonger de 45 jusqu'en 50. Sous la contrainte, Alsaciens et Mosellans ont adhéré aux associations nazies. Ils ont travaillé pour le service des travail du Reich, le RAD. Ils ont crié à Hitler. Et pour cela, ils sont regardés comme des traîtres potentiels, des germanophiles, des collabos. Et la méfiance des autres Français à leur encontre concerne aussi bien les hommes que les femmes, parmi lesquels 15 000 incorporés de force dans les usines ou dans l'armée allemande, les malgré-elles. En janvier 53, 8 ans après la fin de la guerre, le procès de la tragédie d'Oradour-sur-Glane, très médiatisé, va réactiver les passions de l'épuration et cristalliser l'incompréhension des Français vis-à-vis des malgré-nous. 19 anciens soldats de la Waffen-SS y sont jugés pour avoir participé à ce massacre qui coûta la vie à 642 civils, dont 246 femmes et 207 enfants, fusillés, brûlés dans une église. Les rares témoins racontent les corps carbonisés, les maisons calcinées, les charniers et surtout la violence sans nom des SS. Et parmi les accusés, des Alsaciens. Juin 44 et 8 ans après, le procès de Radour s'est ouvert au tribunal militaire de Bordeaux. Au nombre des 19 accusés, 13 Alsaciens enrôlés de force dans la division SS qui exécuta le massacre sont venus se présenter à la justice. Mais c'est aussi un nouveau drame qui se lève, celui des Alsaciens enrôlés de force dans la Wehrmacht, les malgré-nous. Et toute l'Alsace suivra avec émotion jusqu'à la dernière minute les péripéties de ce procès de Radour. Il atteint au plus profond de son âme. Avec les 13 accusés incorporés de force dans la SS, ce sont les 130 000 malgré nous d'Alsace-Moselle qui se sentent jugés lors de ce procès retentissant. Jugés coupables, puisque le 12 février 53, 13 d'entre eux présents à Oradour-sur-Glane sont condamnés aux travaux forcés. L'adjudant, Karl Lenz, lui, est condamné à mort, ainsi que Georges René Boss, un Mosellan engagé volontaire dans la Waffen-SS. Un procès qui reste comme une blessure pour l'ensemble des malgré-nous d'Alsace-Moselle, désormais associés par l'opinion publique française à l'horreur de Radour. Une semaine après le verdict, afin de préserver l'unité nationale et de ne pas encourager la fracture entre l'Alsace et la France dite de l'intérieur, le Parlement français vote la loi d'amnistie du 20 février 1953. Tous les enrôlés de force sont amnistiés et les condamnés d'Oradour libérés. Mais malgré nous qui ont obtenu la carte d'ancien combattant dès 48 se verront pourtant refuser toute indemnité. Ce n'est qu'en 1984 que la RFA débloquera une enveloppe de 250 millions de Deutschmark pour les incorporés de force, soit environ 2500 euros chacun. Mais les malgré elles, ces Alsaciennes et Mosellanes, contraintes de participer à l'effort de guerre allemand, se voient refuser cette indemnité au motif qu'elles n'ont pas combattu. 30 000, peut-être 40 000, c'est le nombre de malgré nous tués ou portés disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Des soldats pris au piège par la succession des conflits qui ont opposé la France et l'Allemagne au 19e puis au 20e siècle, contraints de changer de camp et d'aller à l'encontre de leur patriotisme, autrement dit de leur cœur. Des Français qui combattent pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'Allemagne ennemie, jusqu'à parfois mourir pour elle quand ils souhaitaient au contraire la défaire. Des destins méconnus, incompris. Et une douleur d'autant plus grande que le propre pays des malgré-nous, la France, les a longtemps regardés comme des traîtres, alors qu'ils n'étaient que des victimes emportées par le vent mauvais de l'histoire. Le jour se lève à peine sur la grande allée d'arbres gelés qui mène à ta nouvelle maison, dit-on, à ta nouvelle maison, dit-on. Le jour se lève à peine et nous suivons à pied la voiture qui t'emmène Père, ta nouvelle maison, dit-on, vers ta nouvelle maison, dit-on. On nous a prévenu que dessus il n'y aura pas ton nom. Il n'y aura pas ton nom. Et dans ce matin d'hiver où pleuvent les corbeaux, de personne tu ne fus le héros. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les Malgré Nous, avec notre invité Philippe Collin. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Auteur de la bande dessinée Le Voyage de Marcel Grob, avec des dessins de Sébastien Gothal. C'est publié chez Futuropolis en 2018. Philippe Collin, de France Inter. C'est notre Philippe Collin, producteur de l'émission du dimanche soir à 18h sur notre antenne L'Œil du Tigre, où l'écho chic, décalé et populaire de cet exceptionnel terrain de jeu qu'est le sport. C'est beau ça. Oui. Vu que c'est pas de moi, je me permets de dire que c'est beau. C'est votre credo ça. Oui. C'est joli. L'écho chic, décalé et populaire du sport. Merci. Bien, revenons au Malgré Nous et à cette histoire qui passe d'ailleurs un moment par le football. C'est pas l'essentiel, mais c'est pas un détail non plus, on en parlera. Donc les Malgré Nous, encore aujourd'hui, c'est une réalité non pas méconnue des Français, mais moins connue que la Résistance, par exemple, que la Collaboration. C'est pour cela que vous en avez fait une bande dessinée, pour que l'on se souvienne d'eux, et en particulier, je crois, pour que les jeunes découvrent leur histoire, la jeunesse d'Europe à qui vous dédiez cet ouvrage, c'est ça ? Absolument, c'était l'ambition, une des ambitions premières de ce récit, parce que, en effet, en France, on connaît assez mal, hein, Fabrice, les Malgré Nous. On a fait une grande tournée nationale pour faire la promotion du livre. On s'est aperçu que beaucoup de gens ignoraient même ce qu'était un Malgré Nous, c'est-à-dire un jeune Français enrôlé de force dans l'armée allemande. Et on s'est dit, voilà, ces gamins, ils avaient 15 ans, 17 ans, 18 ans, 22 ans. Ils ont eu un destin fracassé, parce que enrôlé de force, encore une fois, dans cette armée allemande. Et on s'est dit, ben, peut-être qu'il faut raconter ce que c'est qu'une radicalité politique et quelles sont les conséquences pour une jeunesse d'Europe de se retrouver face à un danger comme celui-là. Voilà. Bien sûr. Donc ce Marcel Grob est enrôlé de force, il est alsacien. Absolument. Donc, en résumé, que lui arrive-t-il ? Pas trop dans les détails, parce qu'il ne faut pas déflorer non plus le plaisir de cette lecture, parce que c'est aussi le plaisir de la découverte, même si le thème est dur. On découvre, et c'est très intéressant. Grob est né en 1926, à Kirchberg, petit village alsacien. Il n'a jamais quitté sa campagne alsacienne. Et puis, à la fin de la guerre, il reçoit une convocation militaire de la Waffen-SS. Mais le choix est effroyable pour Marcel Grob, parce que il est intégré le 28 juin 1944, Fabrice, c'est-à-dire 3 semaines après le débarquement des Alliés en Normandie. Donc, on peut penser que la guerre est finie. Pas du tout, elle va durer encore toute une année, on le sait aujourd'hui. Et Grob s'embarque avec 8 camarades du village pour être intégré dans une formation de Waffen-SS au nord de Berlin, à Stralsund. Ils partent et ils pensent qu'ils vont rentrer pour la Saint-Nicolas, qui est très importante en Alsace, le 6 décembre. Ils ne rentreront pas le 6 décembre. Ils vont se retrouver affectés en Italie du Nord, dans une division Waffen-SS effroyable, qui est la 16e, la Das Reichsführer. Et ils vont se retrouver pris dans un piège. C'est un piège. Moi, je dis qu'ils sont kidnappés. Hein. Oui, bien sûr. Kidnapping. Ouais. Un enlèvement d'enfants. Exactement. Ils sont kidnappés par les nazis. Voilà. Alors, donc ça les emmène vers les choses les plus effroyables, oui, pour les plus malheureux d'entre eux, oui, qui se sont trouvés dans ces situations, oui, notamment de massacres de civils, et notamment en Italie. Mais on va y revenir. Donc, la BD commence par l'interrogatoire d'un jeune juge d'instruction. J'ai un peu cru vous reconnaître. Oui, effectivement, ça s'est pas dit, mais c'est un peu moi. Oui, mais c'est pas vous pour le plaisir d'être vous, c'est parce que ce Marcel Grob, vous le connaissez personnellement. Oui. Qui est-il ? C'était mon grand-oncle, donc j'ai très bien connu enfant et adolescent. Un homme débonnaire, par ailleurs, qui est mort en 2009. Mais moi, à l'âge de 20 ans, donc en 1995, j'ai découvert qu'il était non pas... Alors, je savais qu'il était Malgré Nous. Hein, c'était su dans la famille, oui, qu'il était Malgré Nous. Mais il y a 130 000 Malgré Nous, et je pensais que Marcel appartenait au Malgré Nous classique Wehrmacht, pas Waffen-SS. Or, je découvre en 95 qu'il est Waffen-SS. Ce qui est très différent, parce que ça sous-entend un engagement volontaire. Et on prête serment à Hitler jusque dans la mort. Et je me suis dit, en fait, j'ai un grand-oncle qui est nazi. Et donc, j'ai commencé à vouloir savoir. Et j'ai posé beaucoup de questions pendant 2 ans. Marcel s'est agacé, Marcel s'est énervé, Marcel s'est tu. Et j'ai pris ce défaussement pour un aveu de culpabilité. Or, je me suis trompé, Fabrice. Je me suis lourdement trompé. Pourquoi ? Parce que j'ai mal jugé Marcel. Et en 97, n'arrivant pas à mes fins, pour savoir ce qui s'était passé, j'ai décrété qu'il ne voulait pas me le dire parce qu'il était nazi. Donc j'ai rompu avec Marcel. D'accord. Et je n'ai plus jamais revu Marcel Corbe de Marseille. Il est mort en 2009. Il est mort en 2009. Et je me suis même posé la question, Fabrice, d'aller aux obsèques ou pas? Et je ne suis pas allé aux obsèques. En me disant, je n'irai pas aux obsèques d'un nazi. Sauf qu'en 2012, grâce à des documents, notamment un carnet militaire, ce qu'on appelle le Soldbuch, qui est le livre de solde que chaque soldat allemand avait en sa possession, Marcel, j'ai récupéré ce livret-là un peu par hasard, et je me suis aperçu que je m'étais lourdement trompé. Que Marcel appartenait aux 10 000 gamins alsaciens qui avaient été incorporés de force dans la Waffen-SS sur les vœux de Himmler lui-même en disant « je vais aller ponctionner aux marches de l'Empire », ça veut dire en Roumanie, en Hongrie, en Alsace. Mais donc du coup, il a récupéré 100 000 gamins en Europe, dont les 10 000 Français. Et Marcel... Avec ce chantage odieux, si vous ne voulez pas, exactement, la famille passe. Exactement. Et donc Marcel appartient à ces gamins. Voilà. Donc c'est... je me suis trompé, Fabrice, je me suis trompé. Voilà. Et c'est là, ça nous renvoie toujours à ce que nous pouvons continuer à nous dire, la chance que nous avons, nous, de notre génération, de ne pas avoir vécu dans ces périodes troubles et qu'on ne peut pas les juger parce qu'ils ont vécu, ils ont été emportés par le vent mauvais de l'histoire, le vent dramatique de l'histoire. Alors, ça pose la question du mutisme. Évidemment, on va y venir, mais je voudrais qu'on écoute un... document, pour y venir, un témoignage tiré d'un documentaire de Gabriel Schaff, où on remuait les lèvres et on ne disait rien, c'est le nom du documentaire, diffusé sur France 3 en 2014, dans lequel la documentariste interroge, alors il y a un vrai parallèle avec vous, hein, ses grands-parents, Fred et Thérèse. Écoutez. Mais avec Thérèse, je n'ai jamais pu tenir une conversation suivie. Mais même, alors, surtout avec les enfants, il ne fallait rien dire. On ne voulait pas leur cacher, mais on ne voulait pas évoquer ça en leur présence. Et pourquoi maintenant, par exemple, toi, papy, t'as envie maintenant d'en parler? Mais parce que tu nous interroges. On n'a pas du tout envie d'en parler. Ah non, mais ça, c'est pas vrai, parce que papy, avant que je pose des questions... C'est moi qui entraîne la conversation. Parce que toi, tu es le membre de la famille qui voulait savoir. Voilà, malgré nous et malgré elle, interrogée par leur petite fille, et donc je parlais du mutisme. Ce mutisme, on peut le regretter par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire, mais on peut surtout le comprendre. Oui, on peut le comprendre quand on travaille et qu'on fouille, parce que c'est avant tout un traumatisme. Mais oui. Un traumatisme. Ces gamins sont enrôlés de force, embarqués de force, dans une violence de guerre qu'ils ne connaissent pas, et la violence rentre dans leur vie d'une manière brutale. Et évidemment, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Il y a la peur d'être jugé, d'être mal jugé, une fois qu'on a fait ça, et on a peur de ne pas être compris par les autres. Il y a le traumatisme, Fabrice, c'est-à-dire que chacun sait qu'un traumatisme, quel qu'il soit, on a du mal à le revivre et à le re-raconter, parce bien qu'on sûr. Veut l'enfouir. Et puis il y a le fait qu'on partage ça avec ceux qu'on vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir très lointain de voir Marcel en parler avec des camarades du front, ceux qui ont vécu ça, parce qu'au moins eux comprennent, eux savent, eux ont les clés pour comprendre. Et donc j'ai le souvenir qu'on se parle entre nous, entre malgré nous, mais on ne parle pas aux autres parce qu'on n'a qu'une trouille, c'est de s'affronter à ça soi-même et d'affronter le regard des autres. Et la honte pointe très vite, alors qu'on a plutôt envie de leur dire « non, vous avez été victime ». Mais la honte est là. La honte est là, et la honte est là en Alsace encore. Elle est très prégnante. Ils ont du mal encore à en parler aujourd'hui. Philippe Collin, auteur de la bande dessinée Le Voyage de Marcel Grob, avec des dessins de Sébastien Gothals. Alors, cette bande dessinée, le récit d'un homme, qui est aussi le récit de l'histoire, avec un grand H dans ces années-là, 1944 en l'occurrence, et en Italie, c'est assez précis ce qui leur arrive. Il y a de l'extrapolation de votre part aussi. Il y a un peu d'extrapolation, puisqu'il y a des moments dans le récit réel où j'ai des creux, je ne peux pas avoir accès à tout, puisque tout n'est pas consigné, tout n'est pas archivé. C'est un travail d'historien, et en même temps aussi scénarisé et romancé, puisqu'il y avait des trous dans la trame narrative. Donc il a fallu qu'on remplisse les trous. Mais tant mieux, parce que les trous permettent aussi l'émotion. C'est un travail à la fois qui est sérieux, mais qui permet la projection du lecteur et de la lectrice dans le destin de Marcel Grob. Donc on a le droit, l'historien n'a pas le droit de jouer avec les émotions. Le scénariste a le droit de jouer avec les émotions. Et donc les trous sont précieux pour ça. On peut jouer sur « je suis dans Marcel Grob » et « qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Marcel Grob ?» C'est tout l'enjeu du livre, Fabrice. Et à ce propos, justement, je voudrais m'arrêter une minute sur le bas de la page 81 de la BD et le haut de la page 82. Donc Marcel Grob se retrouve embarqué dans un massacre de civils en Italie, c'est une horreur. Et À un moment, il voit un autre soldat qui doit tirer sur une femme et ses deux enfants. Le soldat tire en l'air. Grob lui dit « Mais t'as fait exprès ?» Et il répond « Si vous pensez que je suis un traître, vous gênez pas, Grob, descendez-moi. » Et il lui dit surtout « Mais il n'y a pas de pire traître que celui qui abat un enfant, Grob. Tuer un gamin, c'est tuer l'humanité qui est en nous. C'est tuer tout espoir de rédemption au milieu de cet enfer. C'est tuer un gamin, c'est se damner pour l'éternité. » Oui. Sacrée phrase, dites-moi. Oui, et en plus ça, ce n'est pas inventé. Ça, c'est consigné. Il y a un soldat allemand qui a été reconnu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Toute la scène qui est racontée est réelle. C'est-à-dire qu'il a vu une mère et son enfant sauter d'une grange. Et il leur a fait « Oust, dégagez ». Ça, c'est consigné, c'est dans les archives, et il l'a tiré en l'air. Et on l'a raconté parce qu'on a trouvé ça aussi... voilà ce que c'est que la complexité de l'humanité, c'est bien que ce type qui est un officier Waffen-SS ne peut plus, tellement c'est infernal, de tirer sur des civils, enfants et femmes. C'est la guerre, mais ça, ce n'est plus la guerre. C'est le massacre, c'est des crimes de guerre, c'est les massacres nazis. Et donc cet officier... décide de casser la machine effroyable en tirant au-dessus, en ne tirant pas sur le gamin. Et donc j'ai fait mettre ça dans la bouche de ce type parce qu'effectivement, on imagine qu'il outrepasse les ordres en se mettant en danger. Parce que ce qu'il faut savoir, Fabrice, c'est qu'il y a des gamins alsaciens, un gamin alsacien qui a tiré au-dessus dans un peloton d'exécution. Mais c'est dit aussi là. Voilà. Absolument. Et que l'officier SS l'a attrapé par le callback, l'a mis à genoux, lui a collé une balle dans la tête, et il a dit aux autres gamins alsaciens, le prochain qui tire pas dans le tas, voilà le sort qui lui est réservé. Voilà ce que c'est que le piège tendu par les nazis. Et ces gamins, je répète, ils ont 17 ans, entre 17 et 20 ans. Ce sont des adolescents, ce sont des gamins en réalité. Une effroyable perversité. Je rappelle, tuer un gamin, c'est se damner pour l'éternité. Oui. C'est là, on risque pas de l'oublier. Hein. Non, mais tant mieux. Alors, pourquoi le choix de la BD? Il y a parfois des questions qui portent en elles les réponses. Parce que effectivement, la BD, le dessin, ça fait comprendre tellement de choses. Hein, parce que c'est visuel, on ressent les choses. Bon, mais enfin, vous auriez pu faire un autre choix, de la radio, par exemple. Oui, absolument. Mais ça, c'est une question importante, Fabrice, parce qu'en plus, c'est une journée spéciale sur Inter aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment essentiel dans cette démarche-là, c'est que c'est un des derniers, voire le dernier avec la radio, Fabrice. Oui. Média transgénérationnel. Quand on était gamin, il y avait une télévision, un écran par maison, dans le salon, et on regardait la télé dans la télévision. Aujourd'hui, il y a 15, 20 écrans par famille. J'exagère un peu, mais avec les téléphones portables. Les tablettes, ordinateurs, etc. On est pas loin. Les livres, c'est pareil. Qui lit des romans, qui lit pas des romans. Les gamins lisent moins de romans. Bon, la bande dessinée est un vecteur transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut acheter pour ses parents, pour ses enfants, pour ses grands-parents. Et ce qu'on a vu, nous, dans la grande tournée française qu'on a pu faire, c'est effectivement que des gamins venaient acheter des livres pour leurs grands-parents et inversement. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que j'ai toujours fait à la radio, c'est ce que vous faites ici aussi, d'ailleurs, c'est de toucher différentes générations, parce que c'est ça le lien social. C'est comment des générations parlent entre elles, et comment peut-être des parents peuvent évoquer des souvenirs à des enfants, et des enfants poser des questions à leurs grands-parents. Et ce médium-là, il est très précieux pour ça, parce qu'il est entré dans les familles, et quand vous avez une BD posée sur la table basse du salon, tout le monde s'en empare. Parce que c'est des images et c'est important. Bien sûr. Le dessin de Sébastien Gotels, quel est votre regard sur le dessin? Évidemment très réaliste, il a fait le choix de l'hyper-réalisme, et tant mieux. On n'a pas parlé assez de Sébastien Gotels, mais il a fait un travail extraordinaire. Ben voilà, parce que par exemple, il y a tout un jeu de flou et de net, et qui est très important, parce que ce récit est un souvenir que Marcel raconte. Et chacun sait que dans ses souvenirs, il y a des zones de flou. Et quand un vieux monsieur de 84 ans se met à raconter une histoire d'il y a 70 ans, il est forcément contraint d'avoir des flous dans ses souvenirs. Et pour ne pas trop juger, parce qu'il ne faut pas juger le passé à l'aune du présent, c'est très important, il faut respecter le réel du passé, eh bien il y a des flous dans les souvenirs de Marcel Grob. Et Sébastien Gotta, ça fait un travail extraordinaire sur le net et le flou. Et effectivement, parfois, c'est un petit peu flou, les souvenirs. Ça nous concerne tous. Oui. Et quand il y a un tel traumatisme, il y a évidemment du flou. Et donc, il a fait un choix à la fois d'un dessin très réaliste, mais aussi d'un dessin subtil, y compris sur les lavis de couleurs. Les gens verront, mais il y a tout un jeu. Il y a toute une palette. Voilà, et qui sont liées à des émotions que Marcel traverse au fur et à mesure du récit. Voilà. Alors, on l'a vu dans le récit, la France d'après-guerre a eu du mal à comprendre le parcours des malgré nous, c'est qu'on puisse dire. Aller voir comme ils étaient, non pas comme des traîtres, mais des incorporés de force, donc, comme vous le disiez, des victimes. Mm-hmm. En 1982, Jean Lorrain, qui était ministre des Anciens Combattants à l'époque, a prononcé cette phrase étonnante sur un plateau télé, on va l'écouter, ainsi que la réaction d'Eugène Guery, lui-même ancien incorporé de force. J'étais dans la situation d'un malgré nous, mais j'ai eu la chance, ou la volonté, je laisse l'interprétation à ceux qui nous écoutent, de fuir l'occupation et de m'engager dans l'armée française en novembre 1942. Le ministre, au début de l'émission, dit qu'il a eu la chance ou la volonté de fuir. Vous pensez qu'il y avait cette alternative possible ? L'émission télévisée laisse planer un doute et une suspicion sur les malgré nous, ce qui est très désagréable et même insupportable. En 1940, après la défaite, l'Alsace et la Moselle étaient coupées du reste de la France. Ce n'est donc pas la faute des malgré nous d'avoir été incorporés. Mais, bah, déserté, oui, mais enfin bon, quand on est pris en otage, la famille menacée. Hein. Exactement, et c'est tout l'enjeu, Fabrice, parce qu'en plus, c'est une annexion de fait. Ce n'est pas une annexion de droit. Il n'y a aucun traité qui rende l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. C'est Hitler qui décide d'annexer de fait. Donc, ils restent français. D'un point de vue international et du droit, ils sont français. Oui, parce que c'est illégal. Exactement. Et donc, l'enjeu est très important parce que qu'est-ce qu'on fait? Certains ont fui, certains ont pu fuir, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on vit dans sa région et qu'on est là pris au piège? Vous savez, du jour au lendemain, à l'école alsacienne, on a parlé allemand. On a mis des portraits du Führer dans la classe. Tout d'un coup, le piège se referme en 24 heures. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et certains, effectivement, ont eu une vista, un courage, une chance, comme il dit parfois, de pouvoir s'échapper. Mais la plupart sont pris au piège. Et interdites par les Français à la maison. Interdites par les Français partout, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Partout, mais surtout et à la maison. Jusque dans la maison. Absolument. Voilà. Bien sûr, il y a une circonstance aggravante, terrible, c'est le massacre d'Oradour-sur-Glane, perpétré par la division d'Asreich, et avec des malgré nous, pas que des malgré nous, mais il y en avait. Absolument. Ça, évidemment, c'est très difficile pour la reconnaissance, la réhabilitation, je cherchais le mot, la réhabilitation, si tant est qu'il y a eu un crime, il n'y a pas de crime, mais enfin, au niveau de la réputation, il y a une réhabilitation à faire, et Oradour-sur-Glane passe par là, donc c'est difficile, ça. Oui, c'est difficile, parce qu'en plus, il y a un procès à Bordeaux, en 53, un procès au tribunal militaire de Bordeaux, où on va juger Oradour-sur-Glane. On imagine bien ce que c'est qu'en France, et l'écho qu'il y a en France de ce procès, qui est en gros le procès des massacres nazis en France, Oradour est un massacre en soi, mais il est là aussi pour faire le procès de tous les autres massacres de la Gestapo ou de la Das Reich. Et effectivement, à Bordeaux, il y a 21 inculpés sur le banc des accusés, 7 Allemands, 14 Alsaciens. Ouais. On imagine le choc national. Ouais. Et en fait, on se dit, mais en fait, c'est un massacre perpétré par des Alsaciens, ouais, donc oui, par des Français. Et alors, là-dedans, il y a 14 malgré nous, 13 en relais de force, un engagé volontaire. Et pour des raisons de réel politique, on va dire déjà à l'époque, il n'y a aucun officier sur le banc des accusés. C'est-à-dire que toute la courroie de transmission de l'autorité n'est pas au procès de Bordeaux. Et évidemment, toute la France découvre qu'effectivement, il y a 14 Français sur le banc des accusés. Et il faut quand même savoir qu'ils sont condamnés tous à des lourdes peines de prison. Et là, c'est un immense choc en Alsace. Immense choc, une grande désolation. Et face à ce scandale alsacien, l'Assemblée nationale va donc les acquitter. Mais là, c'est un immense scandale pour les familles d'Oradour-sur-Glane. Vous imaginez le scandale quand on est membre d'une famille qui a été massacrée au Oradour-sur-Glane, les gamins alsaciens rentrent dans leur famille. Bon. Mais c'est ce que dit Jean Renoir dans La règle du jeu. Chacun a ses raisons. C'est le tragique de la vie. C'est ça la guerre. C'est le tragique, c'est que c'est à la fois insupportable et on peut essayer de comprendre l'enjeu de ce procès de Bordeaux qui est terrible et qui marque encore les mémoires alsaciennes aujourd'hui. Alors dernière chose, on connaît évidemment Oradour-sur-Glane en France. Eh bien les lecteurs de cette BD vont connaître, s'ils ne connaissent pas déjà, le massacre en Italie de Marzabotto. Oui. C'est ce que il racontait dans la BD et votre héros, parce que c'est le héros de cette BD, le personnage principal de l'histoire, a donc été embarqué dans cette horreur du massacre de civils à Marzabotto. Oui. Merci infiniment. C'est Philippe moi qui vous remercie, Fabrice Douel. Merci à tous. Parce que voilà, c'est fini. Merci infiniment. Bien. Semaine chargée pour vous, Philippe, le festival de la BD, bien sûr. On est à Angoulême, effectivement. Voilà. Et puis dimanche, le tigre Jean-Luc Vandenhead, grand navigateur de 73 ans, un vieux loup de mer au confluent des siècles. Voilà. Non, oui, pris à dimanche. Merci, salut. Et si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, sortira le 13 février prochain, dans 15 jours, le livre de Laurent Pfad, qui s'appelle « Nous étions des malgré nous », c'est au Cherche-Midi l'histoire, donc de ces Alsaciens et Mosellans en relais de force. C'était Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Tiffany Battistel qui était à la technique aujourd'hui.